lake de sable blanc, étendu face au soleil, je nous revois comme à 20 ans, se promettant monts et merveilles. Ce paradis n'a pas changé, les gens y vivent encore heureux, mais après tant d'années passées, à s'ignorer, je me sens vieux. Alors, je chante ma jeunesse, oubliée qu'elle est loin. Il me reste la tendresse, l'amour a passé son chemin. Alors, je chante ma jeunesse, oubliée qu'elle est loin. Il me reste la tendresse, l'amour a passé son chemin. Cette eau tiède du lagon se reflète nos visages. Elle fut témoin de nos passions, de nos étreintes sur la plage. Que reste-t-il de tout cela, de tout ce que donne la vie? Cette vie qui reprend comme ça ce bien qui n'est jamais acquis. Alors, je chante ma jeunesse pour oublier qu'elle est loin. Il me reste la tendresse, l'amour a passé son chemin. Alors je chante ma jeunesse pour oublier qu'elle est loin. Il me reste la tendresse, l'amour a passé son chemin. Faut pas pleurer pour ça, je ne t'en veux pas, tu sais. Car depuis bien longtemps déjà, j'avais compris que tu voulais profiter encore de la vie, goûter à je ne sais quelle joie. Tu es encore jeune et jolie, ne pleure pas, va, c'est ton droit. Alors, je chante ma jeunesse.